Passez une belle après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Hissam Sartawi est né à Saint-Jean-d'Acre en 1934. Cette semaine, l'art de l'échange. Médecin. En 1967, la guerre des six jours qui consacre l'hégémonie régionale d'Israël au Proche-Orient va bouleverser et modifier le cours de sa vie. Chef de guerre. Quatre armées arabes ont été battues en 67. Est-ce que ça ne vous fait pas peur ? Cela ne nous fait pas peur, car en 67, le peuple n'a pas pu jouer son rôle. Maintenant, c'est le peuple qui joue son rôle au travers de nous, fedayins. Homme de paix. C'était ça qui était terrible. Chaque fois qu'il allait faire des démarches auprès d'autorités, eh bien, quelque part, il y avait la diplomatie officielle palestinienne qui rétropédalait en disant « Non, pas du tout, c'est pas lui. » Début avril 1983, à Albufeira, au Portugal. Monsieur Sartawi était dans le hall de l'hôtel en compagnie de l'ambassadeur de Tanzanie en France et d'un délégué de Chypre lorsque un ou deux hommes sont entrés. Monsieur Sartawi a été abattu presque à bout portant. Hissam Sartawi. Nous poursuivons aujourd'hui cette évocation des anciennes tentatives de dialogue israélo-palestinien au travers du portrait d'Hissam Sartawi, médecin cardiologue établi aux États-Unis, qui finit par s'engager dans la cause palestinienne comme combattant d'abord, puis comme homme de dialogue ensuite. Hissam Sartawi, rencontré dans le milieu des années 80 par le journaliste Pierre Bell, est sujet d'un projet de film de fiction envisagé par le réalisateur Didier Martini. Ce projet, la fiction, n'ayant pas encore vu le jour, nous avons proposé à Didier Martini de venir nous en faire découvrir son formidable contenu. Henri Curiel est un juif égyptien réfugié à Paris. Il est militant tiers-mondiste. Il œuvre pour un rapprochement israélo-arabe et une paix fondée sur les droits nationaux de tous les peuples du Proche-Orient. Il contribue à l'organisation de la conférence de Bologne en 1973 qui regroupe des Arabes et des Israéliens et tente, trois ans plus tard, d'organiser avec ses amis Joyce Blow, professeur de kurde à Paris, et Joseph Hazan, une rencontre israélo-palestinienne par l'intermédiaire du beau-frère d'Arafat qui représente l'OLP à Dakar. Celle-ci, prévue en juillet 1976 à Paris, est annulée pour cause de guerre civile au Liban. On dépêche alors Sartawi, qui se retrouve au Maroc, pour essayer de sauver la filière. Méfiant, Sartawi ne connaît pas le groupe Curiel. En bon combattant, il se montre prudent. « Qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Que voulez-vous de moi ?» Il se rend pourtant dans l'atelier de Joseph Hazan, 5 rue de Pontoise. Curiel et ses amis exposent leur stratégie. À leur grand étonnement, Sartawi réagit très vite. Il est d'accord pour rencontrer un ancien général israélien, Matti Peled. Une étape essentielle vient d'être franchie. L'impensable rencontre a lieu à Paris le 21 juillet 1976. Henri Curiel et ses amis ont tout organisé, privilégiant un principe élémentaire, la sécurité des participants. Ce que l'on appellera les conversations de Paris auront toujours lieu clandestinement dans des appartements privés. En grand secret, le général Peled quitte Israël pour la France afin de rencontrer Sartawi. Curiel et son groupe, tous des intellectuels de gauche, sont enthousiastes mais craignent le face-à-face entre ces deux hommes de guerre. En effet, ils ne sont pas déçus. Peled est grand, le regard clair. Il émane de lui une impression de force et de calme propre à ceux qui savent commander. Robuste, carré, le regard vif et pénétrant, Sartawi est le contraire d'un homme effacé. D'une façon presque animale, les deux hommes se jaugent, puis les adversaires se serrent la main. Poigne militaire, brève, mais intense. Sartawi attaque le premier. « Oui, je suis un terroriste. J'ai du sang sur les mains. Ce sont des mains de médecins, mais aussi des mains qui ont tué. J'ai plongé jusqu'au cou dans l'action violente. » Peled lui répond en termes aussi crus. « Je ne suis pas un non-violent, mais un combattant. J'ai affronté bien des armées arabes et je me suis battu souvent contre les Palestiniens. » Les deux hommes ont déjà trouvé un langage commun, celui de la franchise brutale. Curiel comprend la situation. Il fait un signe à ses amis et sort de la pièce. Le tête-à-tête a commencé. Il va durer presque 2 jours. Pierre Bell, il y a deux hommes qui vont se retrouver en dialogue, qui auparavant, l'un et l'autre, ont tenu les armes. D'un côté, Hissam Sartawi, de l'autre, un général israélien, général Peled. Est-ce qu'Issam Sartaoui est revenu auprès de vous sur ces rencontres? Est-ce qu'il vous en a dit quelque chose? Et qu'est-ce que, si ce n'est ses paroles, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer les deux, parce que j'ai rencontré Mati Peled à Paris. Et j'ai constaté une chose, c'était étonnant. Il y avait forcément une connivence entre eux, parce qu'ils étaient tous les deux des généraux. Je veux dire, Sartaoui n'avait pas le rang de général dans l'armée palestinienne, mais c'était le pur militaire, et il avait la stature d'un officier général. Et donc, il était de plein pied avec Mati Peled, qui lui-même était un peu atypique, parce que c'est quand même un général qui avait fait 3 guerres contre les Arabes, mais qui avait quitté l'armée d'active, qui était général 2e section, et qui était professeur de littérature arabe à l'université de Tel Aviv. Donc c'est quand même une personnalité, c'était un sabra, je dirais que c'était un militaire un peu intellectuel. Eh bien les deux ils étaient parfaitement en phase, je dirais que ils étaient beaucoup plus en phase qu'avec d'autres. Je veux dire, Sartaoui avait évidemment les meilleures relations avec Uri Avneri et avec les autres intellectuels israéliens avec qui il a pu dialoguer. Mais c'était au-delà. Il y avait une connivence avec Mati Peled. Et au-delà du langage, je pense qu'ils se comprenaient plus facilement. Et que chacun appréciait le combat de l'autre. Et ça, c'est important. Alors, il ne m'a pas fait de révélation particulière parce que il a suffi qu'il me donne tous ses dossiers, vu que tout avait été publié, les communiqués, les déclarations, mais juste expliquer la genèse de certaines déclarations. Mais là aussi, c'était pas avec Peled, il n'a pas fait du travail clandestin. Je dirais même que ça permet de comprendre la complexité de ce dossier des négociations. C'était d'autant moins clandestin que du côté d'Arafat, Arafat aurait souhaité que les intellectuels israéliens qui rencontraient ces émissaires soient mandatés par leurs autorités, que ce soit pas simplement une discussion entre intellectuels d'opposition. Et c'est pour ça que Arafat a toujours été très en retrait tant qu'il n'a pas vu un engagement plus officiel du côté israélien, et qui a tardé à venir évidemment. Mais Sartaoui, lui, était au milieu, ou plutôt en avant-garde, un peu franc-tireur, comme je disais tout à l'heure, et c'était extrêmement complexe. J'ajoute que son rôle était d'autant plus difficile que sur mandat du chef de l'OLP, il menait une diplomatie parallèle et qu'il avait donc contre lui la diplomatie officielle, en particulier Farouk Kadoumi, qui est un homme très estimable, qui était le chef de la diplomatie palestinienne, mais qui ne supportait pas de voir toutes ces diplomaties parallèles. Donc c'était à la fois contre Sartaoui au niveau des hommes, mais c'était surtout contre the old man, le vieux chef, contre Arafat, qui adorait multiplier les canaux. Et c'était la grande faiblesse d'Arafat, c'est qu'il menait toujours plusieurs stratégies de façon parallèle. Et ça a beaucoup fragilisé Sartaoui, sauf au moment où il y a eu la photo officielle, cette espèce de reconnaissance, mais c'était à la fois trop tôt et trop tard. Cette première rencontre est pleine de promesses. Des hommes, jusque-là ennemis, ont gagné une bataille sur eux-mêmes et se sont parlé. Mais il va leur falloir aussi mener un combat dans leur propre camp. Peled rencontre à Yitzhak Rabin, premier ministre à l'époque. Ce dernier le reçoit et l'écoute, mais reste opposé à tout contact officiel, estimant que même un début de discussion équivaudrait à une reconnaissance de l'OLP. Une nouvelle entrevue, plus élargie, est organisée. Fin août, les deux délégations arrivent à Paris. Pendant 2 jours, ces interlocuteurs se sont retrouvés donc sous l'égide de Pierre Mendès France à Montfrin. Éric Roussel, président de l'Institut Pierre Mendès France. De ce qui s'est dit, nous ne savons rien, puisqu'encore une fois, aucune archive n'a subsisté concernant cette rencontre. On sait simplement qu'à cette occasion, le principe de l'autodétermination des Palestiniens a été posé et accepté par les deux parties palestiniens, évidemment, ça allait de soi, mais par les interlocuteurs également palestiniens. Issam Sartaoui plaide en faveur de la réconciliation des deux peuples. Il expose dans le détail ce que Arafat est prêt à accepter. Un mini-État palestinien, en Cisjordanie et à Gaza, démilitarisé et vivant côte à côte avec Israël. À Paris, les discussions progressent, mais pourtant à la mi-septembre, c'est l'échec. Pierre Bell, les conversations entre Mati Peled et Issam Sartaoui vont rester, on va dire, discrètes, jusqu'au moment où elles sont révélées dans la presse israélienne, et ce qui va susciter en Israël un écho formidable dans le mauvais sens du terme et va amener le gouvernement israélien de l'époque à interrompre ces conversations, finalement à interdire à Matti Pellet de continuer à rencontrer Issem Sartaoui. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Alors là aussi c'est un jeu de clair-obscur, d'ombre et lumière, parce que je disais que Sartaoui était loyal, Pellet est aussi un officier loyal. Donc, évidemment, il a rendu compte des entretiens qu'il avait et il ne pouvait pas le faire en cachette. Pas un officier général de deuxième section. Donc, il en a rendu compte au gouvernement israélien qui a pesé le pour et le contre, qui évidemment voulait savoir ce qui se disait. Et comment a été faite la révélation dans la presse israélienne, je ne le sais pas. Est-ce que c'était voulu, je ne le sais pas. Je pense qu'il faudrait regarder le calendrier électoral de l'époque et les affrontements entre les travaillistes et leur opposition. Que les Israéliens aient mis un stop à un moment donné, oui, évidemment, mais ils l'ont jamais mis complètement, vu que, après la mort de Sartaoui, le dialogue a repris, ensuite, avec Abou Mazen, et que ça aboutit, plus tard, aux accords d'Oslo. Sartaoui est envoyé aux États-Unis afin d'ouvrir un bureau de l'OLP dans la capitale, sonder la communauté juive et faire connaître la politique de la centrale palestinienne. Pierre Bell, Issem Sartaoui va se retrouver mandaté en direction d'un pays où il a exercé le métier de chirurgien, mais cette fois ce n'est plus du tout en tant que médecin, c'est en tant que diplomate, et là les contacts ne semblent pas avoir été forcément faciles, forcément évidents. Qu'est-ce qu'il a pu glaner, Issem Sartaoui, aux États-Unis? Vous relatez dans votre ouvrage, dont on reparlera un peu plus tard, une anecdote assez étonnante avec des rabbins qui viennent le voir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, c'était une histoire amusante. C'était des rabbins orthodoxes avec leur costume traditionnel qui étaient venus le voir pour qu'il intercède en faveur de la libération d'un militaire israélien. Et chose que Sartaoui s'était engagé à faire en les recevant. Et du coup, ils avaient été séduits par l'accueil qu'ils avaient reçu, et ils l'avaient accompagné. Et quand il a été à son entretien auprès du sous-secrétaire d'État, parce qu'il avait un entretien, il n'était pas diplomate officiel, mais quelque part, il se présentait comme OLP, donc il avait eu un entretien auprès du sous-secrétaire d'État, donc l'adjoint du ministre des Affaires étrangères, et il y est arrivé accompagné par trois ou quatre de ces juifs orthodoxes en costume traditionnel, et donc ça suscitait un certain émoi. Et quand la secrétaire leur a demandé qu'est-ce qu'ils venaient faire, et ils ont dit « on vient demander aux États-Unis de reconnaître l'OLP ». Je pense que la scène aurait dû être filmée, elle ne l'a pas été, c'est dommage. Mais au minimum par Woody Allen, peut-être. Oui. Je pense que c'est caractéristique de l'habileté personnelle de Sartaoui à séduire les gens les plus divers. Et parce qu'il avait ce charisme. Et cela dit, son entretien n'a pas été très loin parce que c'était à la fois prématuré, qu'il n'avait pas de mandat officiel. Et que, quelque part, il doublait la diplomatie traditionnelle. Et c'était ça qui était terrible. Chaque fois qu'il allait faire des démarches auprès d'autorités, eh bien, quelque part, il y avait la diplomatie officielle palestinienne qui rétropédalait en disant « Non, non, pas du tout, c'est pas lui ». Donc, c'était un peu compliqué. Mais il a eu un bon accueil, mais c'était juste pour discuter sur les échanges de prisonniers, l'arrêt du terrorisme, etc. Mais il n'était pas habilité à prendre des engagements. Donc il n'a pas pu les prendre, et donc ça s'est arrêté là. France Inter. Il y aura des élections anticipées en Israël, sans doute en mai ou en juin prochain. C'est le résultat de la démission du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin. En ligne de Jérusalem, notre correspondant, André Semama. N'ayant pu obtenir les appuis qui lui étaient nécessaires pour faire échec à la motion de censure de l'opposition de droite Likoud, Yitzhak Rabin a pris les devants en apportant peu avant minuit sa démission au chef de l'État, le président Ephraim Katzir. La crise est donc au sommet et les affaires israéliennes sont désormais dirigées par un gouvernement de transition. Contrairement à ce que l'on paraît prévoir à l'étranger, il est peu vraisemblable que le départ des religieux rende l'équipe dirigeante actuelle plus apte à des concessions territoriales sans de solides contreparties politiques. Dans un contexte préélectoral, l'ambiance est loin d'être propice au dialogue. Sartaoui prend une initiative audacieuse et publie le 4 janvier 1977 à Paris un communiqué qui rend public les rencontres. Il indique que le représentant palestinien et le général Peled sont d'avis que les relations qui se sont nouées entre l'OLP et le Conseil israélien pour la paix israélo-palestinienne marquent un jalon d'espoir dans les relations entre leurs peuples. Sa diffusion a l'effet d'une bombe et va susciter beaucoup d'émotions. Issam Sartaoui est attaqué durement et accusé de trahison par les tenants de la ligne dure réunis au Caire dans le cadre du 13e Conseil national palestinien. Arafat vient à son secours et c'est in extremis que le Conseil national palestinien légitime les contacts. Le 26 janvier 1977, Sartaoui remet un document au chancelier autrichien Bruno Kreisky qui confirme le virage entrepris par la direction palestinienne, même si elle ne peut pas encore l'annoncer publiquement en raison du refus d'Israël de reconnaître l'OLP. Nous nous sommes engagés dans un processus de maturation et d'évolution politique favorable à la garantie de la paix au Proche-Orient. C'est là un progrès historique que toutes les parties intéressées devraient mettre à profit avec empressement pour que le rêve de la paix se traduise en réalité. Et constate, d'une façon surprenante, qu'au lieu d'être soutenus dans leur attitude constructive, ils ont été repoussés par les États-Unis, attaqués par les dirigeants israéliens et barrés par certains États arabes. La myopie politique que traduisent ces réactions est dangereuse, car elle pourrait convaincre les dirigeants palestiniens de la vanité de toute attitude modérée. Et Kreisky déclare un peu plus tard, « Les dirigeants palestiniens considèrent comme un fait l'existence de l'État juif. » Voici le grand vainqueur des élections israéliennes, le petit Menahem Begin, président du Likoud, la plus importante des quatre formations de la droite israélienne. C'est lui qui va former le nouveau gouvernement après s'être battu pendant 29 ans au cours desquels la vie politique israélienne était conduite par les travaillistes. Dès qu'il a appris sa victoire, M. Begin a appelé à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Partisan du Grand Israël, de l'annexion systématique des territoires occupés, M. Begin ne peut guère se couper de ses adversaires travaillistes ni repousser les possibilités de négociation avec les pays arabes. Aussi vient-il de proposer ici de rencontrer le président Sadat d'Égypte, le président Assad de Syrie, pour parler de paix. Mais jusqu'à maintenant, pas de réponse. L'arrivée de M. Begin au pouvoir, qui déclenche la joie de ses partisans, a provoqué aussi dans le monde arabe une colère générale. Consternation en Égypte et en Syrie, les Palestiniens estiment de leur côté que les Arabes doivent se préparer à une nouvelle guerre contre Israël. En novembre 1977, un événement historique va bouleverser toute la région. Et à l'instant même, on découvre le Boeing présidentiel, le Boeing frappé du sigle Arabe-Égypte-République, le Boeing du président Sadat. 2h03, la télévision du monde entier retransmet des images historiques. Les Israéliens pensent « Welcome président Sadat, bienvenue, marhaba » et c'est inscrit en grosse manchette rouge sur les Jerusalem Post dont une édition originale vient de sortir. La scène, vous la connaissez, on s'y attendait, mais il est toujours émouvant dans un moment pareil, dans la mesure où il n'y a pas de précédent. La scène, vous la connaissez donc, ou vous l'imaginez, la garde militaire qui rend les honneurs, derrière un escadron de la marine. Et tout au bout du tapis rouge, sur l'aéroport Ben Gurion de Lod, le président Katzir, le président de l'État d'Israël, avec Menachem Begin à ses côtés. Sartaoui se déclare encouragé par le geste de Sadat et favorable à l'idée de participer à une réunion préparatoire sur la conférence de Genève sur le Proche-Orient. La position de Sartaoui, dès qu'elle est connue, lui vaut une condamnation à mort de la presse syrienne et de plusieurs courants palestiniens. Curiel active immédiatement son réseau afin que des personnalités favorables à Sartaoui interviennent auprès de Arafat. Parmi ces messages, celui de Noam Chomsky. Des rumeurs ont circulé sur la menace de mort dont le docteur Issam Sartaoui aurait fait l'objet pour avoir soutenu les récentes initiatives du président Sadat. J'espère que ces rumeurs sont infondées, car s'il y avait le moindre fondement de telles menaces, sans même parler de leur exécution, cela serait un désastre pour la cause palestinienne. Les rencontres se poursuivent néanmoins. Sartaoui vient toujours seul. Il ne bénéficie d'aucune protection. Affronter chaque jour le danger, sortir et s'assurer de ne pas être suivi, est devenu pour lui presque banal. Uri Avneri, avec lequel Sartaoui a lié une amitié, raconte. Issam et moi entrons dans un restaurant près de la rue de Seine. Automatiquement, je prends un siège face à la porte. « Ça vous ennuie de me laisser m'asseoir là ?» me demande Issam. « Ça m'ennuie, mais je lui donne la place. » « C'est une question d'honneur arabe, » m'explique Issam. « Je ne veux pas qu'on me tire dans le dos. Je veux voir mon assassin et pouvoir riposter. » Au bout d'une minute, il ajoute « Bien sûr, c'est complètement idiot. S'ils entrent et me tirent dessus, je n'aurai aucune chance. » Je sais qu'il a un petit pistolet dans sa poche, mais si quelque chose arrivait, il n'aurait vraiment aucune chance. Aucune. Le 4 janvier 1978, Saïd Amami est assis derrière son bureau, situé dans un quartier élégant du centre de Londres. On lui annonce un visiteur. Amami le connaît, il demande à ce qu'on le fasse entrer. La porte s'ouvre. Amami se lève de son siège. Amami, qui est l'équivalent de Sartaoui en Angleterre, est assassiné. Quelles sont les conséquences, Pierre Bell, de cet assassinat ? Amami a ouvert la voie dans le sens où c'est, je dirais, c'est le premier qui a porté le combat sur le plan intellectuel, en s'adressant à la presse, en s'adressant aux médias, aux universités, en participant des colloques, et en montrant que les Palestiniens, c'était pas des terroristes barbus, hirsutes et menaçants, mais que c'était aussi des gens avec qui on pouvait parler. Il a eu un rôle très important. Maintenant, sa disparition a laissé un vide. Pour autant, la chose ne s'est pas arrêtée là, et c'est tout le mérite de ses successeurs d'avoir poursuivi. Donc il y a eu comme toujours, il y avait la diplomatie officielle de l'OLP avec des représentants officiels dans chacune des capitales, mais il y avait aussi des émissaires, et le travail a continué. Et donc ce qu'a fait Amami, qui était là aussi un élément déclenchant très important dans le dialogue avec les médias, eh bien, ça a servi d'ouverture de porte pour ses successeurs. L'assaillant s'enfuit sans que personne ne le reconnaisse. L'assassinat est revendiqué par le groupe Abu Nidal. Pour Sartaoui, c'est un avertissement. Saïd Amami a finalement dû payer de sa vie pour son courage, sa vision d'avenir et son amour sans borne pour son peuple. Il aimait tous les Palestiniens, y compris peut-être ses assassins. Mais surtout, il avait la plus grande sympathie, le plus grand dévouement pour les Palestiniens qui vivaient dans les territoires occupés. À ceux-là, qui ressentent le plus la perte de Saïd, je veux adresser un message. Saïd est mort pour la Palestine, mais surtout il est mort pour vous. Et nous continuerons à vous chérir comme il l'a fait. Et un jour, nos générations futures honoreront Saïd comme un homme qui aimait son pays et son peuple avec une sincérité passionnée, qui n'avait que faire de la rhétorique. Avec la mort de celui que certains ont appelé le penseur de la réconciliation, c'est une page qui se tourne dans le dialogue israélo-palestinien. Pierre Bell, on revient un moment sur Abu Nidal. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui de ce dossier-là, si j'ose dire, notamment dans ses relations avec le Mossad? Est-ce que l'homme et ses réseaux ont effectivement été manipulés ou instrumentalisés par... Est-ce que c'est d'abord l'OLP qui cherche à éliminer à sa manière toute légitimité de ce concurrent direct et extrémiste? Qu'est-ce qu'on arrive à situer aujourd'hui? Alors je vais être très honnête, je ne suis pas dans le dossier, je ne suis pas dans le service secret, donc je ne sais pas quelle était la fin du dossier d'Abu Nidal. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'était pas nécessaire qu'il y ait des liens entre les uns et les autres pour se manipuler, parce que de toute façon, les services israéliens d'un côté et les extrémistes arabes, dans lesquels je mets à la fois l'Irak et la Syrie de l'époque, et les durs à l'intérieur de l'OLP, il y avait une convergence d'intérêts pour éviter que ce dialogue aboutisse. Et donc, il n'était pas nécessaire. La conclusion de Sartaoui, c'est que lui pensait pas à un complot. Il pensait pas que Abou Nidal était manipulé par le Mossad. Parce qu'il faisait pas de cinéma. Il aurait été un ennemi commun à eux. Voilà. Il était le gêneur. Il était le gêneur de service. Et je dois dire que c'est assez décevant parce que parmi les opposants à l'intérieur de l'OLP, il y avait une organisation qui avait quand même été en pointe au tout début, c'était le Front démocratique de libération de la Palestine, le FDLP de Naïef Hawatmeh. Ce sont les premiers qui ont milité pour un état binational israélo-palestinien. Et je me souviens parce qu'à l'époque, quand j'étais à Beyrouth, on m'en avait parlé. Il y avait des militants du FDLP qui avaient eu des difficultés parce que c'était pas conforme de militer pour un état binational israélo-palestinien. Et puis le FDLP, comme c'était pas son truc, ça lui échappait et qu'il n'était pas d'accord avec la ligne d'Arafat sur quel genre de dialogue et surtout la notion d'un petit état palestinien. Alors, Hawatmeh s'est trouvé du côté de l'opposition avec le FPLP, le FLP, la SAIKA, etc. Et c'est dommage. C'est dommage, mais... Alors, je veux pas faire de politique fiction. Est-ce que c'est peut-être pas aussi la responsabilité du chef qui n'a pas su fédérer en gardant pour lui cette partie de la négociation sans la partager avec les autres? Il les a un peu mis devant le fait accompli. Donc, il n'y a pas eu vraiment de débat. Et c'est là que c'est une occasion perdue. Certainement. Curiel, les extrémistes ont commencé par tuer Amami, numéro 2 sur leur liste, parce qu'ils n'ont pas réussi à repérer Sartaoui, numéro 1 sur leur liste. La défense de Sartaoui est donc primordiale. Curiel et ses amis encouragent Sartaoui à rester dans l'ombre un moment. Du côté de l'OLP, on lui enjoint également de faire profil bas, mais pour d'autres raisons. On lui fait comprendre qu'il s'est compromis en applaudissant trop vite l'initiative de Sadat. Consigne lui est donnée de poursuivre sa diplomatie parallèle, mais dans la plus totale discrétion. Pierre Bell, que savez-vous, si Sam Sartaoui vous en a parlé, de sa relation avec Henri Curiel? Est-ce que ces deux hommes, qui là encore étaient fort différents dans leur passé, étaient des gens qui se sont spontanément trouvés et entendus et dialogués? Alors, d'abord, ils étaient différents de différents tempéraments. Autant Sartaoui avait quelque chose de volcanique et d'exubérant et de avec une voix rocailleuse et forte, méditerranéen en soi. Voilà, autant Curiel, tout aussi méditerranéen du reste. Curiel, que je n'ai pas connu personnellement, mais c'était quelqu'un de très réservé, qui avait par la force des choses, qui avait appris la clandestinité, qui ne levait pas la voix. Je suppose que Sartaoui devait avoir du respect pour l'ancien. Parce que c'est Curiel qui a été chercher Sartaoui, c'est Curiel qui l'a poussé et qui lui a favorisé les premiers contacts. Et donc c'était pas un rapport d'égalité, c'était un rapport Sartaoui respectait la personnalité de Curiel et tout ce qu'il faisait pour lui. Et donc je suppose qu'ils ont été en face tout de suite. Demain, la suite de ce rappel biographique que nous suivons grâce aux travaux de Pierre Bell, raconté par Didier Martini. Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté.